chapitre 23e. Nous retrouvons John Barnard dans un compartiment de troisième classe en route pour Londres. Plus on approche de la grande ville, moins la voyageuse admire le vieux monde. Le Daleshire ne lui paraît posséder que de bien médiocres beautés, comparé à celles de son pays d'adoption, où serpentent des fleuves aux cours illimités, et où se dressent à pic des montagnes qui semblent raser le ciel. Elle se sentait toute mélancolique à l'aspect des toits, des vieilles masures qui passaient sous ses yeux, des hautes cheminées vomissant une fumée noire et épaisse, des quartiers rétrécis où l'air ne circule qu'à regret. Mais si ses regards suivaient ce panorama mobile, son esprit était ailleurs. Jeanne Barnard avait quitté Highlier par le premier train. Elle comptait y revenir avant la nuit close, et pourtant, craignant quelque contretemps, elle était munie de son sac de voyage. Elle était de sa personne petite et tenue. Sa physionomie avait une remarquable expression d'énergie et de résolution. Il fallait, en effet, en être largement pourvue pour que, étrangère comme elle dans Londres, elle ne désespérât pas de la tâche qu'elle avait entreprise. Mais la persévérance a raison de bien des obstacles. Jeanne Barnard descendit à Easton Square, distant de 2 kilomètres du point où elle devait se rendre. Après s'être renseignée auprès d'un policeman, elle résolut de marcher jusqu'à destination. Elle longea les rues, traversa les parcs d'un pas rapide et régulier. La ville lui sembla avoir de très belles parties, bien qu'inférieures, suivant elle, sous plusieurs rapports, aux villes américaines. Cependant, quand elle entendit sonner midi près de Temple Bar, à l'antique église de St. Dunstan, la fierté nationale reprit le dessus. La ville de Londres, avec ses vieux quartiers, ses maisons du temps de la reine Anne, ses églises aux façades sculptées et ses beaux ponts de pierre, offrait à ses yeux un tableau dont on cherchera en vain le pendant à New York ou à Boston. L'œuvre des siècles et de l'histoire n'étant pas ce que l'on peut reproduire à prix d'argent et d'activité. Arrivée à l'adresse qu'on lui avait indiquée, elle lut sur une porte le nom qu'elle cherchait, M. Tomplin, 4e étage. Après avoir gravi l'escalier, elle frappa. Une voix ayant répondu « Entrez », elle poussa la porte. Le bruit fit relever la tête de M. Tomplin, assis devant une table encombrée de liasses de papier et de livres. De plus, il était fort occupé à déguster un œuf frit et une petite tranche de lard mince comme une pièce de 2 francs. Il ne parut nullement décontenancé d'être pris à déjeuner d'aussi bonne heure, au milieu d'un vrai désordre. Son étonnement fut pourtant fort grand de voir une femme pénétrer ainsi chez lui. « Veuillez vous asseoir, » dit-il en lui offrant avec empressement un siège près du feu. « Il ne fait pas chaud aujourd'hui. Je crains que l'odeur du lard ne vous incommode. » « Mon cabinet doit en être imprégné, si j'ouvrais la fenêtre. »« Pas pour moi, monsieur, je vous en prie. » Puis, comme une personne qui vient de prendre une énergique résolution, elle ajouta vivement. « Voudrez-vous m'excuser, monsieur, de la liberté que j'ai prise en venant ici ? Je n'ai d'autre droit pour m'adresser à vous que l'extrême perplexité où je me trouve. Un mot suffira pour vous expliquer le motif qui m'amène. Je suis la fille de l'infortuné Humphrey Vargas, que vous avez défendu aux assises de Highlier, et à l'innocence de qui vous croyez envers et contre tous. Moi ? S'écria M. Tomplin, un sourire d'incrédulité effleurant ses lèvres. Je suis très heureux que la condamnation de votre père ait été commuée, ne serait-ce que par égard pour vous. Mais pourquoi diantre supposez-vous que je croie à son innocence ? Par la chaleur avec laquelle vous l'avez défendue. Ignorez-vous donc qu'il y a des devoirs professionnels ? Il était en outre le premier assassin que j'ai défendu, et j'ai tâché de tirer le meilleur parti possible de sa cause. Puis ses aveux rétrospectifs m'ont particulièrement intéressé à son sort. Il m'a semblé qu'il y avait là un cas pathologique curieux, une monomanie, un état voisin de la folie. J'ai la conviction que vous savez qui est le vrai coupable et que les preuves seules vous manquent pour l'accuser ouvertement. Une personne qui assistait au débat m'a dit que tout, dans l'attitude et dans la physionomie de ce Révrard, trahissait un trouble profond lorsque vous lui avez adressé certaines questions au sujet de Lady Courtney. Cette allusion sembla en effet lui causer une véritable surexcitation et le blesser au cœur, répondit M. Tomplin en continuant à absorber les œufs au lard. De grâce, expliquez-vous franchement, monsieur. Si vous n'aviez su quelque chose de positif, vous n'auriez pas soumis Sir Everard à pareille épreuve. C'est ce qui vous trompe. Bien loin d'avoir aucune preuve, je ne savais en vérité quelle ligne de défense prendre la veille même de l'audience. Or voilà ce qui arriva. Ce jour-là, Je me trouvais par hasard à l'auberge des Trois Pains de Sucre en même temps qu'un certain docteur Jebb, orateur de café à ses moments perdus. La version de l'assassinat de M. Blake m'intéressa. Je l'écoutais. Il prétendait que la victime devait avoir un ennemi, et malgré ses sous-entendus très mystérieux, car il craignait fort de se compromettre, j'en conclus que la jalousie avait dû être le mobile du crime, que Walter Blake aimait Lady Courtney alors qu'elle était Alice Rothney et que celle-ci partageait son amour. Ayant vainement tenté d'obtenir des faits probants et précis à l'appui de ces hypothèses, je me contentais d'insinuations, quelque vagues qu'elles fussent, et je dirigeais mon tir de ce côté. Vous savez si la porte est juste. Comment ? Vous n'en saviez pas davantage ? Non, je vous le jure. Maintenant, je ne comprends pas vos préoccupations, je l'avoue. La condamnation de votre père a été commuée, et en vérité, il n'a pas volé le châtiment qui le frappe, car il n'est pas douteux qu'après avoir dérobé la montre, la chaîne de Blake, il les a bel et bien vendues. Il semble parfaitement résigné à son sort. Il me faut autre chose à moi, monsieur. Je suis venu d'Amérique pour obtenir que le nom de mon père soit lavé de la tache que lui imprime le jugement prononcé contre lui. Je ne veux pas qu'on puisse dire un jour à mes enfants que leur grand-père était un assassin. Je ne veux pas que mon mari, qui est le plus digne et le plus honnête homme du monde, puisse voir en sa femme la fille d'un condamné à mort, dont la peine a été commuée. Je ne veux pas que nos amis puissent rougir de nous. La réhabilitation de votre père est chose impossible. Les jurés l'ont reconnu coupable, l'ont condamné. La commutation de la peine n'est qu'un acte de clémence de la part de la couronne. Mais si l'on apportait des preuves de l'innocence de mon père, si l'on découvrait en un mot la main du véritable auteur de ce crime, si on amenait le coupable à faire des aveux. Voilà bien des si, ma chère dame, répliqua M. Tom Plin en riant. On ne peut faire grand fond sur des arguments aussi peu solides. Alors, vous ne me donnez aucun espoir ? Hélas non ! Je regrette sincèrement pour vous le long et inutile voyage que vous venez de faire. Pour ma part, je ne le regrette pas. Il importe énormément de savoir que vous ne savez rien. Le trouble où vos questions jetées sur Everard n'en est pas moins un indice précieux et qui ouvre une nouvelle voie à mes investigations. Rien n'est plus naturel que de se sentir offensé quand on entend attaquer, ne fût-ce qu'à mot couvert, celle qui fut votre femme et qui porta votre nom. Il faut savoir à l'occasion en faire flèche de tout bois dans ma profession. J'ai mis, croyez-le, à défendre votre père tout le zèle dont je suis capable. Je n'en suis pas moins pénétré de reconnaissance pour vous, monsieur, mais je conserve envers et contre tous le droit d'espérer. Pour moi, c'est un regret de ne pouvoir partager vos espérances en vous disant adieu. Jeanne Barnard, après cet entretien, reprit à pied le chemin de la gare, où elle attendit une heure le départ du train. À la chute du jour, elle était à Highley.